pour faire sortir mes émotions, transmettre un peu de chaleur dans vos yeux, essayer un peu plus chaque jour d'avancer, avec toujours autant, autant de portes à défoncer. Certains choix ne sont pas toujours les bons, j'essaye d'assumer avec pas mal de regrets. Le reste, je m'en fous, pas mal de choses restent floues. La crise était préméditée, les infos me rendent fou. Les moutons s'évadent et linge le berger. Oh mon Dieu, des loups couraient, réfugiez-vous à l'abri mes frères, loin de nos pères. On avance sans repère, j'espère que pour vous tout ira sans poser de questions. Certaines mélodies changent ma façon de voir la vie. Alors c'est avec le sourire que je vais bosser, bosser, bosser pour survivre. J'avancerai, quoi que les gens pensent, quoi que les gens disent. Ils le fait, ils disent, et vous méprisent, violent comme une prise d'héros. Je débarque